You can do it in the mix. De se laisser aller sous le soleil en été. Petit pas, petit à petit je passe. Mon message a la vertu de rompre la glace. Je surfe sur la vague et dans le vent qui vient, caresser mon visage tout au bord de la plage, sur un air de mode son disco. Écoutez sa balance sur le bon tempo. C'est les mots, la rythmétique match en de sévère en musique. Come on baby. Ah, suivez les pas que j'ai, c'est sur cette musique à l'émotion. Oh, la vie est belle comme des papillons qui volent et puis s'entremêlent à la belle saison. Je plane, je détonne, des basses bastonnes. Inutile de résister, le jam est dans le code. Boum, boum, sois positif et bouge. Boum, boum, sois positif et bouge. Swing sur le rythme où la folie t'entraîne. Et sur un air de mode disco. Je vous invite aux métaphores. Illuminé d'azur, vos yeux dans les yeux s'évaporent. Hey fella, tell me what up, y'all. Check, baby, check. Huh. Dancing time, October. Music and song. Chabada, chabada, huh. Chabada, chabada, get down. Dancing time, October. Music and song. Chabada, huh. Chabada. The groove that makes you wanna move. But don't go away, stay right here with me. Crazy Mike, with the vibe and sounds of summer. Feel the heat of the beat, the music of the sun. But keep it cool, baby, keep it cool. Je surfe sur les ondes, et scandaleusement je vais consacrer tout mon temps au plaisir du moment, et faciliter l'insolation en communiquant. Dancing is the message. Sois positif et bouge. Boum, sois positif et bouge. Tu connais pas que je sais sur cette musique à l'effraction. Chabada, get down. Dancing time, October. Chabada, chabada, chabada.